encore longtemps, oh, oh, oh. Un million d'années, on ira encore là-haut, oh, oh, oh. Te laisser aller, te laisser aller. On ira, reviendra tout en haut, tout en bas, comme ce gîte. Cherche la paix, tout le monde cherche la paix. Ici c'est tu roses du noir. Oh, oh, oh. Millions d'années.